بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كن نيوات والو أجي إن شاء الله لينا كن نيوتي فاز فينال موي دانك فيمي جيخي xeyna tay buñ defé tay ak buy di ñew inshallah mu jeex soowé yalla sino bu amul leneen luñu nara yagal sino ñaar mo ci dess soowé yalla légui kon joge won nañ arafat ba gis demon muzdalifa moy fanan muzdalifa ndax arafat kon mu ngi arafat mo do 9e jour bi lool lañ la waxon ko raté mom du lepp jeex da newo fa moy yow sa aj yakuna te di nga ñëwaat dewen te di nga da ngay continuer sa aj gogo mais di nga ñëwaat dewen légui mu am ben pour yokku ndariñ moy légui pour arafat bi xam nga wéssoon nañ arafat ñu ngi won musdalifa ngir dem joggé fa ngir dem mina ci 10e jour mais légui arafat 9e jour bo mais boudé nak ñi ajji fofu ñom dañoo taxaw jour bo xamné nek du 9e jour comme qu'affaireu sentu wer la rek affaireu sentu wer la moy né imaginel wer wi jitu ajji lul qa'da mu nek gaay sentu wer wi gisuñu wèr wi kon dañuy matal 30 ñu matal 30 ndeké effectivement wèr wi feñon na mais ñom ñoko gisul légui kon xam nga ñom buñu naté moy 29 ñom dañu japp né 30 la alors que ñom jour biñu japp moy 30e jour moy premier jour wèru tabaski kon koku dinañ taxaw ban jour lañuy taxaw le premier non 9e jour bi lañuy taxaw ñom légui ñom bu reena ñoo japp ne kon 10e jour bi ñom lañuy japp ne moy arafat alors que arafat dembul won est ce que comprendre moy wèr wi nek 29 mais dañoo xol gisunu ko ndeke wèr wi effectivement mu ngi fi won xeyna ñom seen côté bobu non ñoko gisul ko après ñu dem ba ci bir wala bo ñu dem nak ba 10e jour ñu taxaw 10e jour bi ñom dañuy japp ne moy 9e jour ndax dañoo matalon wèr wé 30 après nak biñ ñëw ba taxaw ba affaire bu wéssu nak ñu rendre compte nañ e ndekete ñun taxaw 9e jour ñun ndeké jouru tabaski lañ taxaw arafat moy arafat ndeké ñun demb la woon ñun tay jour bi ñu taxaw ni du jour arafat legui ñom nuñuy def est ce que legui ñom seen taxaw arafat baxna ta lol li ci conséquence bi moy boudé da nga né seen taxaw arafat baxul moy aju kon amé bobu ni aj ñepp seen aj baxul lol moy conséquence mais dañ nal la lolou seen aj baxna seen taxaw arafat baxna ndax tayu ñuko def nañ liñ wara def sentu ñu wër def nañ liñ wara def dañoo gisul wër après biñ taxawé jour bobu lañ rendre compte de que arafat demb lo lool dara néwu ci moy seen boss baxna ak tamen yermane yalla wésu na di ëppuna fofu du leen tek lu leen lo xamné wala ma nga xol mom wala wala légui nak ñom bim leen léré da fekk nak arafat wésu koku dañ nan ñoñu seen aj baxna légi benen ka bi moy wéru mat wéru jitu nek 29 non bob moy biñ wax sank moy wéru jitu nek 30 ñom ñu japp né 30e jour bi moy premier jour wéru tabaski kon ñom jour biñ japp né moy premier jour moy 30e jour ci wéru wolé légi kon ñoy buñ taxawé ban jour lañuy taxaw 8e jour boudé rendre une ci compte ba ay 2 jours après ñoñu tamit ñok ñewayam dañ nan leen ñomit ñom ñepp seen aj baxna ndax tamit def nañ liñ wara def mais boudé dañu taxaw 8e jour ndax dañu japonné lan dañu japonné premier jour bi moy 30e jour bi ba paré ñu rendre ci compte 8e jour bi ñoñu amatuñ lay dañ nan len kon yeen suba ngeen wara taxaw kep nak ku taxawatul suba réparer li nga defone moy yow sa aj du bax koku ajam du bax légui mu dess benen affaire moy budé da am ben mbolo bu bari bo xamné ñoon dañoo taxaw 9e jour bi am benen mbolo taxaw 10e jour lolu mom kep ku taxaw 10e jour sa boss baxul ndax nak bobu mom da am vraiment ak tiagam da cey dugg li tax ñu nek deux waaw ñu sew pas voilà moy ne yow ñi de taxaw manu ñoo ñew ne ñun ah non ñe bi ñi taxaw man ñun dal mais dañ nan len yeen ñi taxaw 9e jour ñoo bax la ñi taxaw 10e jour sen boss baax voilà kon lolu moy ci côté Arafat bi lolu lu am solo la ndax ma day xew ay kala yo xamne c'est possible mu am comme niñi woré rek lég lég nga wor ba paré nga yegné régaté yow jour ba ngén woron sax du jour bob du jouru ko mais après da ngén koy fay même bu don woron nga sax wala bok dafa wañé ko won budé dafa wañé ko da ngay fay budé yow jour ba nga jour bob woro won déké mo don premier jour ko ndax jour de doute la won té gisunu dara yow do wor mais bu ngén démé ba ci bir corps bi ngén rendre compte déké jour bob jouru koor la won ñi worul won dañuy fay mais ña woron tamit dañuy fay waaw ndax ñoon non ndax ñoom teggu ko budé ñi woron fekkul ne ñoom da am ñuko ci gis wala ku woor ko xamne ñaar ñu woor budé ñi japp ne affaire bi mom mok cédé mok ki wayam cédé moyam de il faut ñu mat deux boudé yow deux yu woor ñu woor ñola né gis na ko yow man nga woor ko du woorat mais ki nga xamné ci ay doute la ko tégon ba woor mom koku day woorat même boudé woron na jour bob kon lolu kala yu xew moy dama taxaw araf ñu taxaw arafat ndiki jour bob du mom légui mu dess lenen moy waaw arafat bi ba légui moy waxon nañ ki rombu nga xamne mom da yor autom di rombu moy il faut mu xamne mu yene na day taxaw arafat mais mu xamne fi arafat wa mais taxaw bobu ginna ki gatt que entre taya que taya bi moy ñaari entre ñaari sujud bu may julli bama sujud premier sujud entre bi may sujud fof ak fi may sigge di sujudal ben dire bu tol non wax bo amé dire bu tol non arafat xam nga ki rombu mom lu mel non la moy lahdar ben ki bu ndaw bu ko amé mom ci goudi gi arafatam baxna budé kele num tudati won da am ben précision ma faté won moy maliki rahmatullah biñu né ko kep ko jour xam nga dañu délimiter won heure arafat ci ñaar tisbar ba timis ak timis ba fajar ñu néwon timis ba fajar moy ponku bi nga xamné heure bob mom bu la fa ben comme durée lu toll na li ñu wax sank entre ñaari sujud yoy bu la fa fekkul mom yow moy sa araf sa jaqku na ndax taxaw arafat benen bi moy tisbar ba timis dañ néwon moy obligation ko bayyi da ngay rendi gat bobu moy kiko bayyi moy ki nga xamne amul ngant budé ko am ngant nga xamne mom manul won par exemple def na lepp pour télé ñew mais avion am dafa yéx ñew par exemple guddi gi la ñew ko ben nan ko yow do rendi dara ndax am nga ngant wa précision bobu moy pour du pour ñepp ku bayyi la rek moy ku am ngant yow dañ la koy wacc légui nak buñ joggé Arafat ñu ngi won fan fanani Muzdalifa Muzdalifa waxon nañ fa ngay julle ge non timis ak ge ci heureu ge ta après sa nafile ya nga don def ce keur do ko def après kon Muzdalifa kon moy ñu ngi kon ci 10e jour bi moy goudi gi goudé 10e jour légui fajar gi bu joté moy da ngeen di julli fo fajar bu ngeen julle fajar ba pare ci heure bu ñëkk bi nak heureu fajar bu ñëkk bi do bayyi comme France ni ñuy def ba affaire bi leer non non moy da ngay julli ci heure bu ñëkk bi après ngeen joggé fofu ngeen ñëw ci montagne bi nane al masharul haram niñ ko waxoon bi wessu fofu nak dañ fay ñaan difa tuddu yalla difa bakki yalla bu commencé ba leer nañ waxuma naaj bi genn de moy bu leeré après ngeen joggé fa nak ngeen dem mina mina nak kon li moy fajaru 10e jour kon da ngay julli fajar mina ñew montagne bi nek mina al masharul haram bu ngeen julle ba pare ngeen tok di ñaan di bakki yalla bam leer ngeen joge fa dem mina bu ngeen ñewé mina legi nak fofu bo accé voilà moy bo joge mina fofu ki muzdalifa ci montagne bo waxon nañ bañuy wax actu aji ko am ko xamne ragal nga ne buma nare xaar ba dem mina di doora for ay xeya set xeer yi ke duma ko man wala tem bari ay nit duma ko man boba dañ nan la for ko muzdalifa foral sa ñetti xet sa set xeer muzdalifa nga yobale nga xamne bo deme mina yow li ngay jëk ka def bo accé bu naaj bi génné moy li ngay jëk ka def moy da ngay sanni jamra yi lolu nak jamra yi legi bo ñew mina ndax dafa am ñetti jamra yu am biñuy def 10e jour bi moy jamratul aqaba jamratul aqaba mo fété côté bo joggé mina makka day nek bo ñewé makka day nek sa gauche mina day nek sa droite mom entre mina la nek mais côté bi jëm makka la légui bo ñëwé fofu ndax fofu non fa la yonnentou sallallahu alayhi wasallam jaayante won ak lamsar yi moy bamuy doora woté makka wa makka diko gëmuñu ko ba bari diko sonal ak ñiko gëm bam dem taif fofu ñomit ñu gina dof ñep génné ko bim ñëwé bay waxtaan ak légui muy sét ñan ñoy d'accord l'islam bi ñan ñoko mëna accueillir bimi biko wa ñi dëkk medina don nangou message bi fim don waxtan ak ñom moy fofu la moy alaqaba motax ñu nan bay'atul aqaba fofu nonu la won mina fofu legi bo ñewé kon naaj bi genn moy yaw legi nak mina legi waxtu bi moy heureu sanni jam rak ban heure la moy maliki rahmatullah alayhi ñom dañ ne ki le fajar lay commencer moy fajarou 10e jour bi ba timis fajar ba timis lolou moy heure bi nga xamne ci nga mana sané jam la moy bo mako deful fajar après fajar la bëgg wax moy man nako def ba avant timis gi di dugg fofu yépp interval bobu man nako ci def mais nak li gën du def ko bu fajaré li gën moy baye ba naaj bi genn ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam lolou la def amna nak ñeneen ño xamne neen nañ guddi 10e jour bi ci la commencer amna ñu wax lool di ne sandi jamra guddi 10e jour bi mais ñoomit amna fuñu ko tek comme hanbali rahmatullah alayhi mais budé ngiru imam malik fajar la ndax temps yi dafa té jara xam moy bu ko défé man buma heure bi rawé ma xamne ndeké dess na légui buma ñëwé kon damay xaar buma ñëw naaj bi genn wu li genn ma baye ba naaj bi genn ndax heure bobu la yaron rasul sallam defoon bo démé nak fi ngay sanné jamra yi ben xour la ni moy da ngay gis image sax télé amna nak ben stèle bu fa nek towa bi na ben ki bu taxaw ni mur mi nekul ne il faut mom go door ko moy mur bobu waaw amna ñi ñuy fam ne il faut mo door ko ci mur bi dedet moy gis nga xur ki bob moy mbalka bobu mu yaatu bobu mom bu ci duggé baxna ta bu dé dang ko door ci mur bi mu gennat yow sa boss baxu moy da ngay bu dé ben nga sanni mu dal ci mur bi gennat yow da ngay place bobu da ngay sanni wat benen yaw ko sanil ci bir rek wala sanil ci bir rek du ne dañuy dir nan wala ko fe lay do xam nga ñu bari lool lañ fop dedet mais mbal ka mom ben hawdu la bu ki li gel nak boy sanni nga nek ci souf moy ci bir xur wi waaw ndax loolu mom la fofu la yenen sa sam sandone mais ko xamne dafa dafa xawa tim ndax dafa amna yo xam dang koy tim ni kuko fa tim tamit ko gi baxna surtout boudé dafa may bousculat wala nit ñi bari do ñew fekk nit ñi bari fa nga nan man je souf la ñep mais yow non taxawal fi nga taxaw même boudé da kawé da ko tim nga sanni mu jeex légui nak fofu boy sanni sanni bi nak du bonk mais obligation la lool moy lan moy set yi ay xeer la yo xamne xeer yu melni comme ki nu mu tuddoti ki wu tandarma xoxu tandarma lay bi xeer yu toll yu xawa toll nonu la ta ay xeer lay don moy manuma sanni ak ay dal wala ay weñ wala ay xoxu xoxu sump yu mel non manuma ko sanni boko sanne yow sa sanni baxu kep tamit ko xamne dafa jël set yeb xep xep ko ki bi acca iblis jëlal yak say mbokk moy buma sané set yépp moy yow dañuy considérer né ben nga sané outil yenen xéer dang koy def ben par ben voilà ben moy dang koy japp entre pouce ak index en index xaw moy ni nga koy jappé sanni ni jarul ni ni ni ni ndax batem nga xay nit sax yow bo bo jëlé set yépp sanni ko ben coup ben yoon yow dañuy japp né ben rek nga sanni yow légui nak da ngay défat moy si si dess dang koy def ta obligation boko deful bo loy def moy da ngay rendi gatt obligation mom ci ajgi lool la légui kon moy lool lool lay toll bo ñëwé da ngay sanni set boy sanni nak da ngay moy Allahu akbar da ngay kabbar di yoy après nga sanni moy nak bu la nexé bu dé man nga djublu penku nga def ko boko manulit fu nek fu way taxaw baxna en tout cas l'essentiel moy yow li ngay sanni lu dugg ci mbalka mom bu dé nak da nga sanni bi xañ nit ñi ci seen bop yi agul yow sanni wo xam nga am na ñoon ñoon kenn di taxaw fé rek yom bal ko rek sanni xañ jaay dédet moy kon set tatat set lay doon set xeer so nga jël ko Muzdalifa pour baña gi waccat wala nga jël ko fan nga jël ko Mina budé am nga man ngok légui nak bo défé lolu moy lila déssé gis nga bo sané jam ray amna yuñ waxone dañ ku armal dañ koy téré do parfum do reub do dagué do maye soxna do mano maye sa dom ta yaw sax kula may kenit manula may xam nga yo ci la won ak tamit manato watu yo ñu ron téré yo yépp légui man nga ko def bo xasse sanni jam lay yo yépp lool lañ nane at tahallul asghar moy bi bo da lay permettre ma genn ci ma don téré yépp bam dess ben sey mom la dul man moy kon niñ la doon téré yiñ na won manon nañ diñ teŋkon ci set yoyu non duma watu dagué duma ray ay lu melni bet yu ndaw yi ay tiñ ak yu mel non wala dotuma duma ki numu tuddu duma parfum moy légui kon bu la nexé boko défé paré nga parfum légi nak ben rek kay dess moy né manou boudé nit ko and ak borom kërëm wala ak soxnam ko manou le sey la lu man ndax sey ba lang ko mëna def il faut nga wër kaaba gi tawaful ifada bu mag bi légui kon jamray boko sané ba paré kon génn nga ci ñu la doon téré légui bo paré boudé ko xamné da am lu mu wara rendi comme ki nga xamné dafa def qiran moy ki né day bolé ak umra ak ti bokku lé même du gënd kogu dañ na la won lan mom il faut mu rendi ben affaire mo soit gile wala nak wala xar wala façon ki yo wala non ifrat do rendi legi kon ñaar ñi def tamato ak qiran ñom daño wara rendi li ñi rendi kon fofu lañ koy rendi buñ sané ba paré après dañuy rendi fofu mais ku rendi mina baxna ku rendi makka tamit baxna mais après fof da ngay rendi bo rendé li ngay rendi après nga doora bu lay goor mu watu wala mu wañi watu nak mo geun ci goor ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dane allahumma arhamil muhalliqin dafa ñaanal ñi nga xamne dane yalla yalla nga yeureum ñi nga xamne dañoo war ñu nako yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ak ñi wañi mu ne yalla mu répéter war yalla yalla nga geureum nga yeureum bok ñi wat ñu répété wa né ko mé ak ñi wañi bo la ci ñi wañi ndax sa ñaan da am solo mu né yalla yalla nga yërem ñettel yoon ñi watu ñoomin ñu waxat ko ko mu né wa légui ak ñi wañi moy kon ñi watu dinañ am ñetti ñaanu yoon ñu sallam ñeen ñi wañi door ko am watu bi da la def mo gën légui bu may wañi nan la watu mom xamnañ li watu moy ndel fondom rek li wolof na nel bu leer lool moy watu wala wañi légui mom affaire tondeuse man nga jël tondeuse nga régler ko mais nak na djégué touti fi karaw yi di saxé moy dina am lu dess légui nga ñu watal la lepp li gën nak moy ñu watal la ñu wat la da ki lay wat mu commencé sa côté droit ci yow pa mom droitam mais yow sa bop côté droit xam nga mom droitam man nek sa gauche xam nga ki lay wat taxaw ni mom yow sa main droite fan la may fété fi moy sama côté gauche mom du mom lañuy prendre mais man nga ki watou lay prendre en compte légui kon koku budé gor non lay def budé jigen nak mom day wañi mom du watou légui ni mi def moy budé ko day té karaw gi ni bolé len après mu dag ci lu toll ni barambo lolou mom non lay def légui waaw kay légui nak ba lañu ag fo moy ki sanni jamra yi xam nga waxna la heure bi ñum toll fajar ba timis mais ki nga xamne nak mom mënu la ñew bare gam dafa febar def na lepp ba ag fo mu febar ñu yobbu ko hôpital da gaay neenañ koy suba ngay genn dañ nan ko na délégué ben way musamil wala musamil ko mais li geun nak koku war ko samil na fek mom samil la bopam ba pare mais boudé da jël 7+7 14 moy setam ak set wajim délégué giko délégué bu ko nexé soit musandi ay setam bam jeex doora sanni set waji wala muy jël sanni ben pour mom sanni benen pour waji di def non bam jeex ndax ki febar bu deful lol il faut mu rendi dara ndax mirmi moy nga am ganta nga ñak ganta ño ci yem boko deful da ngay rendi dara legui nak pour mu ki il faut kon mu déléguer ben way ku wor nak bu dé ñu sagam ño nga xamné tém nga wax len ko après ñu kessu bëgg nga wo len yi ray ma nak faté na ko am nga am na ño xamné dañu gaaw faté moy né am na ño xamné non la len yalla bindé du lu ñuy tay mais faté ci bopam da néna yom tém nga jappul yow bo yagge ñom sax da nga nan ñi ñoko tay alors que tay ñuko ndax seen mbir yi gi na am solo sax ñom ci seen bop dañ koy faté ndax man amna kuma ci doon wax né mom ni mané faté mu né mom jour examen amna examen sax fi faté né tay da am examen tellement da mana faté xam nga koku yow boudé sa mbiri bop la faté da nga am ki tay ko ni ndax mom non la mel moy yalla mo bindé indi ñu mel non ñoo xamné lepp ñom mom man nañu dem fenn sax faté fa yo xamné da nga nan non c'est pas possible ki faté ko fi mom ki day tay lu nek non la mel moy par exemple bo xamé ku mel non yow bu ko né délégué ma yow la délégué ndax wourul li yow man na dem ba fofu nga nan ko sa way ba sandil nga mo après timis gi nak ni le le yow daraay mo nak après kon yow da ngay rendi dara nak moy bo nga jëndi lenen da moy da ngay rendi dara ndax yu mel non wala moy bob da ngay am possibilité parce que way ko rendi wala rendi moy yenn yi bo ci djoumé moy ñett da ngay am possibilité ñett mbir so nga wor ñetti fan wala nga rendi wala nga leyal comme niñ waxone légui kon bu rendé li mi rendi ba paré légui mu am benen question moy est-ce que légui li ñu rendi fofu non man nañ ko yobbu yenen dekk bu yapp yu bare makka fofu xam nga légui nga gis télé ñu naan yobbu nañ yenn pays africain yobbu nañ len ci yapp yi mais est-ce que lolu dagan na sax le fait que comme que li ci kaaba gi lañ ko fi lañ ko wara rendi ngir pauvre mais est-ce que c'est normal ñu jël ko fofu diko yobbu yeneen dekk dañ nan la waw amna possibilité jël ci yap bobu dox ci ñi nga xamne dañ ko soxla ci jul yeneen pays juliti nga xamne way ñak la waxuma nak ñu dox ko benn pays ministre wala autorité paato ko seen biir non lool mom c'est une malhonnêteté bo xamantene ni mom mais wala ñu ñew jox leen ci dara wané ko di télé ndéké yi ci bax yépp ñom ñoko sey do lool mom sincèrement xawma ñooñu budé am nañu koy def ndax am nañu koy ji xawma ndax deug la am mais budé am na mom sincèrement ñooñu man xawma seenu dem makka lan la leen di jari voilà moy lo xamné dañ leen li pour ñi la yaw nga nek autorité am lepp sa keur danaka ma sha Allah yalla mayna la deug la ngay ñew li nga xamne pauvre yi nga xamne danaka ci yaw kay bo len dolilul nga jël ci ba comme que ñewé wo jël lepp ndax day feñ day flagrant ndax les arabes saoudi day yegne kon nek deuk sangam ñom ñepp mais dinañ am luñu wané ni am luñ ci jël kep ko def lool mom nit ñi nak dañ koy wax deug la am du deug lol benen affaire la mais boudé deug la lolou mom sincèrement ñoni mom man xawma seenu dem makka lan leen di jari ñu koy wax wolof yi mom li ñuy wax bari na légui nak mu dess nak vérifier est ce que seen wax yi té ñom da naka mom seen wax lég lég sax boko vérifier xamné du nonu mais dal xeyna du ñak né am na ñukoy def mais bu amé dal moy ñoni mom ñom li ñuy def yéme na légui kon est ce que man nañu jël ci yap nga xamné ki qiran wala ki def tamaton daño ñom dañ ko ray dañ ko rendi fofu après ñu jël ci yap wo jox yenen pays yu pauvre wala ñi ko soxla ci yenen pays yo xamne sax pauvre mais da am ay pauvre yu ko soxla dañ nan la waw lool man na nek ndax jabir radiyallahu ta'ala ndonga yenen bi sallallahu alayhi wasallam dañe ñom bi len yenen bi sallallahu alayhi wasallam téré xam nga dafa am jamono jo xamne da len na won ñetti da len na téré won ñu lek ci lu upp ñetti fan ki buñu sen xar yoy ñuy rendi non mo xam gellem wala nak wala beuyé moy da doon bañ mu upp lan mu upp 3 jours ndax dafa bari won ñu ñak ño xamne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam da len doon bu kenn denc yap tabaski wi ñu upp 3 jours comme ko frigo amul so ngeen musul ko wala lol mais kousul waxu len won djublu ci ngir ñu musul ko mais ngir ñu dimbali ci seen bokku bobu mais après lol dalena permettre ne len ma len ko ki won ma len téré won légui lol jeexna légui neena mo permettre ñu jël ci mais tamit jilaaji ci yobbal ta ñom de ku ñoon makk dañ doon ni bi medina kon lol moy wone par exemple ki qiran ak ki tamato ñom seen xar ñom yoy ñu rendi man nañ ko jox ñeneen ñi mais boudé waji lim def waji li tax muy rendi mom du lool moy dafa par exemple dafa ray ben dañ na xam nga dañ na téré won kureub nga am lo fa ray nak xam nga bo fa rayé dara nga ñew rek door ben ki tuy mudé dañuy xol equivalent lolu nga rendi ko fofu bu boba yoy non mom pour pauvre fofu la legui mu dess benen façon rendi bo xamne moy yaangi fatelako bima nan wa ga yo xamne daño yor sen xar di yobbu comme di dem makka di aji ay bandi kar len prendre len en otage nango xari ne len yeen sax du ngeen dem xam nga yaangi fatelako lolu par exemple yu mel non ñom buñu ko rendé fofu c'est possible ñu nek fofu pauvre ne fofu ñu sarax ko mais tamit dara téré wul ñu jël ko fofu yobbu ko ci yeneen bu dé bandi may nañu lén bandi mom bo moyal sax ñom ñu né la rendil ta do ci ñun ñoy lék lepp ta tamit ki nga xamné dafa rendi ki wum mom man na ci lék xaram fofu comme mina non comme yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mom dafa lekkon ci lim ci ki gelemi mom sans gelim la rayon wa moy am no sans pour mom mais 63 la rende la ki la rayal bopam yi ci def sayna ali radhiyallahu ta'ala nako joxone 63 yoy mo rende nak mo equivalent ak dundum ak atamim def voilà 63 ta ane bobu la genn adina salam 63 la ci len li ci dess sayna ali rabbalah ta mom la waxon mu defal ko moy ne amul fu ñu nan hadyu ni lay toll moy waro dépasser 5 non même ku demul nit man na tok fi lolou da mel nit ñi xamatuñ ko moy man na tok lyon wala ma tok senegal ma jaamu yalla bu reuy le mom bëgg yone ay yu melno ay xar wala gellem wala yoy fele makka ma def ko dugol len ci bato wala yu melno yone ko fa ngir ñu dimbali ci pauvre neko wala ñu acci ray ko ngir yalla fofu iki bi lu bax la yone musa sam da ko don def da don tok medina yone lu bari après dañ leen defal ay signe yo xamne bu ko defé bandi ñi déssé totis ngëm yalla sax buñ naré kar ki pirater bateau bi wala yoy buñ gisé xamne li ka bëgg lu ñëm au moins dinañ ko bay xeyna né ñom mom ñom seeni ñom mom bandi mom do xam ay miram moy mom comme que ñëw na bay mais loolu tamit bax na ndax man na ñëw ba fofu bu gisé affaire yi xélam déllu ci ndax tamit bari na ñoo xamne loolu la won xola numu tudati al fudail ibn ayyad ben soufi bu mag borom ben nitu yalla bu magama makka la newon mais mom rahimahullah mom danaka legui buñuy wax ci côté deddu adina ak yoyu touram dang koy fepp fo dem ci adina bi touram lañuy indi mais mom amalol agresseur international lawon daron agressé après le tout après mais né mom moy netali mune mom jour bim toubi ni néna dafa ki goudi dafa jot muy def ligéyam rek comme agresseur lo té gaay yépp ko xam nak ragal ko muy ta mom agresseur du sax nek ci mbéd mais lég lég day dugg ci kër yi langu alalu jambo goudi jot muy def comme maninam rek muy dem ben keur gis ben lampe di tak ben keur moy xam nga lol moy ben sondel yu mel non tay dafa yag mune kede fene di leer bo moyul ben way la buy konté xalisam xaaral nak ma dem fek ko bim ñewé yek ci mur bi di xaar ngir am occasion rek dugg mu ne ci mur bi non après mu dégg ay kaddu ay ñaari nit di wax am na veulendeum mu deg ay ñaari nit di wax ci wèd gi mu ngi deg neena ma ngi deg kenn ki naan ki ci dess naan ko nañ dem fekk fajar da doon waji jëf naan ko nañ dem moy dañ doon voyage yi ñoon dañ doon voyage yi ba ag fofu guddi fekk len fa ñom nak ñu nañ tok fi bala al fudayl fekk ñu fi agresseur bu mag bi buñu continue worul nañ yem fi légui nak ñuy waxtaan seen biir kenn ki kenen ki nañ dem yaraan ki nak ko mukk da wor léragul xana xamone fudayl agresseur bi mu ngi ci dëkk bi légui mu dégg ko mu ne sét man dal ñi kon ma leen fi téy ci guddi gi ba légui fi après nak bi mi xaar ké lampe bi mu dégg waji di béké waji da doon nafila borom lamb bi wo borom sondel bi deke mom neegam bim nek non am neegu ñax yi mom da lay gis deke da don nafile muy jang suratul hadid nan alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al haqq ben saru al quran suratul hadid mune alam ya'ni ndax jotul lil ladina amanu ngir ñi nga xamne dañu gëm yalla an takhsha mu toroxlu qulubum sen xol li zikrillah ngir di tuddu yalla ndax jotul yag naño nek ci tiaxan di def lu nek xana nak heure bi jotul ñu bayyi li ñewon te delu ci yalla ak li yalla wacc ci deug muy alquran yi ñu top ko te bayyi def lim leen di digal te bayyi lim leen di ter neena bobu la mu tek jasi gi ne wax deug yalla nak jot na nak ma bayyi ci nonu ci la bayyi le bayi agresseur nek jaamu ko to yalla bu maga man bo xamne lolou pour wonna ne mom da ron dem di agresseur jassem ngir gissat ki mais motax agresseur yi tamit xeyna yow moy l'islam lako digal non la yonent rasul defal rek moy bu yonne xar yoy def le ben signe buy wonne ñom buñ ko gisee ñu xam ndax même boudé 100 lañ dina am ñu ño xamné dina len tu dina tax ñu ñu ki wat ta koku imagine kiñ la doon wax sank mais mom lu bax li ñu jëf yépp day déllu ci wëkkël yalla du wañil dara lu bax mom yim def mais yoolu ko yoolu ak mbaxam bi ñepp di tudd waaji tax mom ken xamuko sax dañ nan rek danan rek ben way bu doon julli neegam ta lampam manaron ko agresse mais ko lu bax li ki di am yépp légui mom day déllu ci mom ta mom du wañil kele dara ken xamuko lol motax nit ñi buñ nan la defal lu bax mom defal rek même bul ne non ñi ken manu la wax ak ñom buñ la deglu ñi non buñ la faalé non yow waxal rek ndax kanta duggal ngeum yalla wala ak ki ci xolu nit lol yalla ko mom wala yow jotali rek nga man defal lu bax wala defal rek même budé 1000 lañu kenn juk ci rek xolé rabbi sallam dem ba taif di wote biko wa makka sonalé fekk ya khadija radhiyallahu anha kenn adina bayti xam bi kele nu tudu abu talib genn adina momit mais mu dem taif ngir wo wa taif cote makka la mais bimu fa demé dof ye ci ak ñi xalé yi lañ ko bolé ñukoy xaj joge na taif ba ñew kenn rek ku gëm ta koku dekkul taif dafa dajé bimu duwé fofu dafa nekkon dafa jaar ben côté ben tol ñi mom tol bi gis ko xamné ké dafa sonu ñu wax seen boy bi leen di ligéyal né ko jëlul ci tan ci ki région yi nga dem jox kele mais boy bi bimu ñëwé yaron nabi sallallahu alayhi wasallam gis né dafa tak ben croix ben dafa luy wone né dal ki ab chrétien la xawma sax ndax croix la am dit mais dal luy wone né chrétien la mu né ko yow chrétien nga mu né ko waaw monako fo joge monako nay nu wa moy Ninive Irak ñaan sa sa nak an Ninive ne ko fofu yow dekk sa mbokk sa ki Yunus nga joge ale bi ne ko yow nan nga xame koku moy Yunus yonent bob monako yow nan nga fi ken xamu fi koku fi ni ken xamul Yunus monako wa ndax man yonent koku suñu sa mbokk la ndax yonent la ko mom légi xalé bi kontana ko gëmé wu di foon loxoyé tagué ki gëm ko mom ko rek la am après mu ñibi moy lim fa dem dox ba sonu jogi ay kilomètres wo ay dëkk lumbu amo kenn ku dul ben étranger bo xamné ca tol ba ca biti lañ ko doon ligéy lo ko rek nga am taxul mu désespère marade mu ñëw ne ko sa borom neena degg na li la wa ñi wax bo bëggé ñaari montagne ñi tim seen dëkk yi lay jël boole leen ray leen ñom ñepp mu ne dédé né mom problème bi xëy na ci mom la ni mi jotalé la mé du ci ñom c'est ça lool la moy kenn nit ay kilomètre pour kenn nit yalla nay def lu bax voilà lool lu bax loolu ti la si lool c'est ça way nay def lu lool la motax ay est ce que nit ñi dinañ ma top wala faalé wuñu mo ñi non waxal rek harak way motax kon ci xar yi ak nag yi ak yoy defal rek liñ la wax xeyna bu ko ay buñ la ki nabé sax xeyna am ñu ci ñoo xamni dina ci bindé ko légui kon moy lool man na nek nit man na nek dekk bu ko neex mu yoni ay xar wala ay nak wala ay gilem fofu légui nak buñu rendé ba paré moy kon da ngay wañ wala nga watu bu dé goor jigen day wañ légui bu défé loolu légui nak day dem feulé kaba ga legui dem bobu tawaf bobu moy bu farata bi moy bu ponku bi biñ gisone bañi gis ki tawaful ifada kon jour bobu loy jëk def jour 10e jour bi moy musdalifa ngay joge bo julle fajar nga ñew melni kuy dem côté bi jëm makk fofu la montagne bi nek fofu ngeen di tok ñaan bam leer na ngeen joge fa dem mina bu ngeen deme mina ngeen sanni jamray bu ngeen sanne ngeen reddi budé amna kuy redd budé ko xamné ifrad lay def mom reddi wul dara lolu mom dara fek ko ci de toute façon nga rendé nga ñak rendé ci yam bo sanne sa jamra set rek la jour wop set rek la ndax jappal lolu jour wop set la yeneen jour yi set 3 jours ci tagu ba le 2 yi bu ci nek jour bu nek mom 21 kon lay do mais boudé bi ni bi mom 7 rek la 10e jour moy ku sanni jamra ba pare da nga wara len deg ren di wo yiñ la don tere yeb man nga ko def bam dess sey legi kon après mu rendi bu rendé ba pare mu wañi wala mu watu budé gor budé jigen mom day wañ bu pare nak mu joge fa directement mak ngay dem kaaba kaaba ni ngay dem amna ben sew sew bu am solo moy bo joge Muzdalifa di ñew Mina di nga rombu entre Muzdalifa ak Mina amna ben khur wuñ nan batnu muhassir fofu la yalla duma wewon Abraha li ila fi quraish non non kër ki ci def suratul fili nan lo commencer ça waylun no alam tara kayfa wala alam tara kayfa fa la rabbuka bi ashabil fil fof la len duma la teewon sen nyaaya moy fofu nonu dafa nek entre Muzdalifa ak Mina Abraha bam ne day tocc ci Kaaba gi moy li bi siwle rek histoire bu siw bobu bim ñewé ba fofu nak gelem ki yeen man an gelem ñay wam waron comme ko ay ñay la ñoron dir xam nga yoy c'est impressionnant surtout ci arabe yi ñu ñew ñay yi biñ ñew ba fofu beugatu ñoo continuer bo len djubale fe côté Kaaba gi ñu bañ ñu yes tok bo len tourner ben côté bi ñuy daw fofu non la len ki won da fofu la len yalla duma won motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam nak comme nim ko jangale tamit ci yenen beurep yo xamne yalla dafa duma won ay nit moy ku aksi fu mel non beurep bo xamne yalla dafa meusa duma moy na nga gaw par exemple man bu ron auto la yor di daw 80 dañ nan la dawal 90 dem kaw bu re dama ron dox dank da ngay waxu bu don dama war di ki damay dina presser le pas lol dama ko ki yu am na solo legi kon moy après bo rendé nga wañi da ngay dem fan da ngay dem Mina ndam ma nan Mina da ngay dem ci Kaaba gi ñu wër comme wër bañ wax lon xam nga c'est tour la bo wëré bo ñëwé duggu moy pierre noire ngay commencer boko mané nuyu yañu waxon niñ koy nuyu ak yoy bu ci man la nek nga def benen nga ñëw nga wër 7 fois bo défé 7 moy bo wëré 7 fois après nga julli ñaari rakka ci maqam ibrahim bo paré fofu budé yaw dawo won safa marwa depuis dawo ko won ba nga ñëwé ak légui ah dang koy dawi budé nak dawon goko moy jaru après nak bo défé lool ba paré li gën nak moy bo paré ci Kaaba gi fofu moy banane zamzam après zamzam ma ndoxu zamzam la nga fay joggé wat nga dem Mina Mina ngay demat Mina nak ñetti fan soit bo moy bo delo non Mina moy ñetti fan nga fay def wala ñaar choix la yalla mo ne faman taajjal fi snayni fi yawmayni bok fala isma alay kep ko xamne dafa gaawut moy dafa ndax 3 jours le mais dane ku man kep ko am dafa yakant par exemple biem heure bob la wara jeex da woro ñibi wala am yenen yumuy def ko grawul man na yem ci 2 yoy 2 jours yi après lan après jour 10e jour bi kon bo ñibé Mina ba légui ya nga ci 10e jour bi moy man presque mbir yépp ci suba gi la moy man bima ñëwé Mina def na sannina jamra bima sanné jamra rendina limay rendi boudé dama concerné wañina sama karaw demna ci Kaaba gi wër wëru ponk bi lool moy wër bi nga xamné farata la ponk la buma paré fofu damay julli ñaari rak boudé dawuma won safa ak marwa buma ñëwé ak légui dama koy def après man nan ci zamzam wala bala ma daw safa ak marwa man nan zamzam ah buma doxé safa ak marwa bok après ma dem Mina Mina nak fa lay nek mais Mina la nga fay nek yeb da ngay wañi julli boudé ñi nga xamné dekkuñu fofu comme niñ waxone ci ngiru imam malik rahmatullah alayh legi kon bo ñibé moy kon yow 10e jour après Mina nga jëma fa ngay nek legi mu dess lan 3 jours mo dess ak gi jeex boudé ko xamné day xaar ba 3 jours boudé ko xamné 2 jours la 2 jours yi mom Mina mom par force lolu moy fo nga nek fa soit nga nek fa 2 jours wala nga nek fa 3 jours choix la legi ki nga xamné 2 jours dafa dem Mina def 2 jours 2 jours yoy wala 3 jours lan lañ fay def moy ne bo demé nak da ngay bari ay ñaan fofu da ngay bari ay ñaan bari yoy zikar ak yu mel non moy façon jaamu yalla bu nek yow nang ci bari moy bul yem ci ben affaire wala wax mi ne bul voilà de dem ne gison na ke le newon na dina ñew makana dem setti ko wala non lolu mo perte la waaw mi ne ngay dugg ci yo xamne wax yo xamne ci waaw c'est ça wala nga ne fa sax di wax wax waaw mi ne ngay wax wax Sénégal di wax Sénégal ci yo xamne ti wax jarugo c'est pas la peine de yo dal dem ci li la yobbu quoi ti wax lolou bo beugé wax tan après nga dem defi zikral defa way moy nit da ngay mous yoy ay moment de c'est des moments ouais c'est ça dama bou lay fa nek di waxtanu na ngeen def ñoo ngi fi ngay yitté yi mais yoy mom amul solo xaar leen après ngeen bu jéxé bu leen nexé ngeen def ni ñëw ba fofu di perdre minute bu la romb yow waani perdre temps way kon bo démé kon ñetti jours yoy wala deux yi moy ñetti jours yi mu ngi commencé kon jouru tabaski bu jéxé jour bi ci téggu 1 2 3 3 jours yoy la moy kon 11 12 13 légui nak ku yem ku mu neex nga yem 12e bo defé 2 jours fofu 12e jour bi kon da ngay dem ci kaaba yi nga tago ku ñibi waaw bu dé nak dang fa tok 12e jour bi yow ki bëgg dem moy bu ko fa timis fekk bu ko timis fekke mina mom mom il est obligé togaat ba suba jéxal 3e jour moy na fa guen kon budé dafa ji 2 jours yi la bëgg yam na fa gaaw guen avant lan avant timis di jot 2e jour moy 12e bi bo ko fa féké day tok bo suba da suba bo sa né jamra yi suba ndax jamra yi xola budé jour bu nek ñetti jours yi budé ko def ñet jour bu nek 21 la 21 plus 21 moy 40 Deux. Non, c'est pas 7 par jour. Non, non. 10e jour, il y a 7. Bob, 7, il y a 7. Bob, il y a 7. Mais 11e, 12e, 13e, ouais, jour, il y a 3 fois. 3 fois. Là. Moy du fofu rek nak dafa am jamratul aqaba moy bi ma la wax sank bobu moy bu 10e jour bi nga xamne makka day nek sa gauche boy dem bo mina nek mina la sax mais dalay makka day fete sa gauche bobu nonu moy 10e jour bi 11e jour bi bobu ngay mujjé moy diñ ko sandi xam nga dama la 7 7 7 fofu boy commencé dafa am jamratus as-sughra bi gina touti am al wusta bi du guddewum am al kubra moy bu mag bi moy bi nga sanni won 10e jour moy ne ay beurep la ay beurep bu ci nek fu nek dang fa wara bu ndeuk bi bo xeye par exemple 11e jour bi da ngay ñew nga sanni ci bi gina ndaw bi nek côté ben mosquée masjidul khaif khaif bi ne fofu khaif mina moy fofu ngay commencer nga sanni set après bi ci teggu moy bu dugg doomu bi nga sanni fo set après bu man ni moy jamratul aqaba nga sanni fofu aqaba nga sanni fo set suba ga 12e jour bi même chose ngay defa légui nak nga néma mais légui commencé ku commencé ci bu mag bi nak sanni beulé bu mag ba doora sanni bi milieu bi doora sanni bu ndaw bi dañ nan la mom day reprendre ah oui non la moy nim demé non la wara dem légui kon mom day jeuner deux yeul moy niñ la ko waxé dal non nga voilà légui moy bu bëré dama commencé bu mag bi buma défé bu mag bi def bu milieu bi def bu ndaw bi dañ nan la yow bu milieu bi bu mag bi dang koy defat comme que yaangi ci bu ndaw bi dañuy japp né fi nga commencé nga commencé ouais dé da ngay def yi ci dess ah ouais ouais da il faut mu mel non légi nak ba lañu ñëw fofu moy xam nga dañ na bo sané jamray 10e jour bi ba rendi li ngay rendi pour que wara rendi nga wañi après mais légui ku ko jaawale nak ko xamné dafa ñëw mom dafa ñëw rendi ba paré ñëw rek budé waju bëgg yap mom ñëw rek rendi rek door rek gaay ne ko mais yow da nga waro na ci da nga waro na sammi jamra ba pare mo ne ah man rendi na ba pare mais fof mo fof ni rendi sa duñ gis rendi bi yoy wa legui dafa melni gaay ñoy dafa am ay genre abattoir yu ba yu ñuy ki wa wa xamna mais est ce qu'il y a possibilité nga rendel sa bop amu je pense pas ah ouais wa bu de deug na la ngay jox xaliss bi quoi mais sinon lan da ngay joxe lan xaliss bi non li way bi leg yow lan mo lay woor ne yow ray ah mais xana sen digante ak yalla ah non mais nit no problème moy est ce que nit man na jind lo xamanteni ni gisu ah ouais mais je crois que c'est comme ça lol man xam nga lol ni meuno jind lo gisul lo gisul lo xamul ba bare joxe joxe ki moy yow lol man dañ lay la ñu wara rendi dañ len di laaj non lol question jaay la moy est ce que nit par exemple man est ce man na tok fi tabaski jot mané wala bana lenen rek benen jaay bu nek ma wo ben fermier monsieur le fermier mon wa manako jaay ma dama bëgg nga jaay ma xar ci sa gett gi munela waw 200 euros la yonne ma 200 euros jox ma say coordonnées bancaire mu jox ma ma yonne lolu jaay mom xam nga jaay mom baaw mais li xamna ñi ngeen di andal ñoy def yoyu wa en tout cas dal ñi ngeen di soit bu dul yow naga délégué ku lu wuur ko xamné mom au moins mais kan mo lay lew lan mo la né waji jëndul na la fakna yow do gis xaar mi de do non en tout cas dal li ma la wax li la ngay joxe dañ la nan temps li ma la wax mom ni lay jaay ci l'islam di démé légui nak peut-être ñom commission yi ñi bokk xawma dé dama yaakar rek xeyna dina am ño xamne ñoy chargé wu ci lool budé ku mel non lañ délégué né ko yow chargé ñu wa mi ngi melni par exemple fi tabaski xam nga comme daïra moy réunir lool man na nek mom la la né budul yow pourquoi non lay dé budul yow parce que xam nga nga délégué ben way bo xamne lér na la né au moins dina gis ta tamit gaay man nañ la jaay lo xamne tamit dañ koy téré parce que dégg na imagine ndax li ngay rendi non moy même critère xaru tabaski budé xar la wala ki gellem il faut mat 5 ans nak 2 ans xar il faut mu am 1 an imagine waji jënd la xarum 4 mois xamna ñi en tant que responsable dina responsabilité wa lolu moy li ñi ñortu mais façon njaay dal ni lay démé moy soit yow wala nga délégué lo motax xolo bourse yi lolu tax du doxul li motax njaay yoy baxul waji day tok yor blème bu bari baykat bi waji nek marché de ki des échanges bu San Francisco taxaw ñom ci ordinateur bi rek jënduna tolu jambour té yow gisoo tol bi waji gis mais après ja yoy baxul mais li anta normalement non mo li wé boudé non lay démé do julliti normalement il wa mais julliti sen de ki ñu ngi def yi ñu ngi def comme bourse ils vont veiller en sorte que peut-être wa ñortu ko lañ mara am mais nit ki il faut côté bop comme jaay mi da ba façon jaay mu baxul moy yow liko réparer rek nga mëna def non rek nga mëna def pour mu bax ndax boko deful moy jaay mi du bax moy manuma tok fi. Par exemple, maintenant, je suis au Sénégal, je suis avec un frère, je suis avec un Tabaski, je suis avec lool man na nek ndax man dama ko délégué wa mais jaay kat bi mané ko jaay ma ta man gisuma limay jënd mais man na la jaay lo xamné ki la nek aussi ci ko fa non la dañuy délégué la doyou xamna na ci dina xolat wa na dina ki mais amin ta camara lool mais peut-être commission yi xawma peut-être ñom dina commission bu nek dina am ko xamné moy top affaire yi do gis xaar mi do gis dara ah da ñoom kenn du leen ci luñ am kenn ko leen di informer ci dara wa après na gino laacc wa meral wa que c'est comme ça njaay dal lool la ci l'islam njaay mom moy manuma jaay duma momul par exemple wal di jënd luma gisul ndax loolu warate te mu duggu ci ndax tamit man nañ la jaay lu dul non moy comme ni mala wax waaw yow boudé yim wara mat waji gis né xam nga amna gaay yo xamna ñom ragalu ñalla mo muñ gisé sen xar yi nara lamb tém ñu jaay la yo xamné même yow bu doon yow doko boko gisoon doko jël wala sax at mi remplirul at mi xam nga waji nga xamné tabaski da jott mu ray xar mo xamné 5 mois la am mais kok tabaski wu yapp rek la yow comme que yow yaay dem sax gaay di la jema nax surtout buñu xamé né do xam xamé wo xari waaw ngand na rek ñu né le bi non bi man na sen digante yalla dé ah mom dal man damay def man lima yalla liyel légui mais c'est de délier lo xamné tu peux pas yow xam nga par exemple bo démé li est ce nga xam fañu jaay xari fuñu ki ak yoy si lool man nga ko xam ça doit être comme ça si man nga ko xam tout est oui tout est man nga ko xam xam nga ma nga nane ya possibilité nit ki mel no man na lek ci ki yom ki had yom ah mais deug na do gis wa dama ne man na nek bo bu la nexé sax kare man duma ci lek ndax lolu am nga possibilité bu la nexé nga lek li moy dafa gën rek ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam lolu defoon mais ku ko defulit dara newu ci deug na do ko gis na je crois ça amène ta camara je crois lolu la wax no xam nga yow moy ne man limay poser wu nekul yow nga bagn ko gis rek moy est ce nekul ne yow au moins di nga déléguer nit wala sen commission ko xam la lay wax nak man xamna commission bi ni ngay délégation wa boudé lolou dina ba def xamna boudé dafa am nit ñoo xamna lañ leen may yeen lolou wa jël leen yeen man gérer leen ni suñu bir xamna non lay doon je pense ndax ko day yor place al wakil day yor comme ki mom wakil moy comme dañ ko déléguer lolou la yaaka al asil ki nga xamne momum biri ben lañ lolou la yaaka mo ngi melni premier ministre bu fi nawal président ki taxaw intérim mom mu febar koku mo président li président def lay def duñ né il faut non moy buma déléguer nit waaw mbob day bax même boudé man gisuma affaire bi ndax wolouna ko ki na ko mujjé ouais c'est ça mi ngi melni par exemple en Europe là tu sais bu ñuy tabaski fi te ba amna ñuy dem jëndal sen bop yoyu tu sais mais sinon tu vois xar yi fi do ray do jël ray ci sa cœur rien du tout tu vois tout se fait waaw non boudé lén nak amna Europe fi lu gaay di def mom baaxu moy tok wax boucherie bi ci souf wala bi ci cogne bi wa aussi ñoy yo aussi wa mom mu ki wala xar non lolu mom baaxul de wa mu ngi non ndax yow ta man yima ci jotté gis xar mi da nga nan est ce xar mi amna sax 6 mois day ni mi ndawé buñ leen di né carcasse wa carcasse ñu leen di mais dama nan mais xar mi mom da mel lamul 6 mois man masna ci def lolou ci boucherie bi fof mais xar mu reuy la won wa même bu maté lolou moy par exemple façon jaay mom mo baaxul oui oui c'est ça moy né mais ça coûte cher quoi 250 euros tu vois voilà mais dal côté non mom ken du ko jëndal tok rek boucherie ki monsieur le boucher xawma ki wul ma wa tabaski gaay ni ñew commander tok mu ne la ñewul 11h wala ñewul midi wala tu appelles à 10h pour voir est ce que mu jeex non non mais monsieur le bouger mom mais non ouais, non Europe façon jaay yoy dal Europe gi c'est ça moy nak gaay yoy woro moy soit nga déléguer ko nit wala yow mu jaral la nga def mais ki jaay ne ko jaay ma nonou te yow gisoo lim lay jaay xamono num demé mais il y a possibilité mu jaay la nga gis mbir mi nga ne ko non non xam nga lol c'est possible li dañay wax lu possible rek mu ñew ba mu ngay xam ma ko non man waxuma la xar mu melni non legui problème day commencer am sen digënt mo la da non mais tout le monde yi lay jël da ne ko non man je ne prends pas ça que comme ko fayaguma la sax bo moyewul duma la wala bu dé jot na la li ci dess soit duma la jox dara legui problème do am en tout cas dal du non du démé non legui kon moy kon xari tamit wala keulay non lay dem moy yi ñi rendi comme tabaski ndax li moy tabaski moy il faut mu remplir yoyu moy yenn xari manuma ko ki non legui kon mu déssé ñu 3 jours yele 3 jours yi mu juk kon wax nañ la mina lay nek mina nak moy lool rek lay nek moy ay sanni jamral ak ay ñaan legui kon ñett la lañ la wax bu ndaw bi nek ci digg bi ak bu mag bi moy fi nga sané won jamra 10e jour ta bo dé da nga inverser affaire bi da ngay reprendre at yow ko dañ nan ko reprendre demal nga reprendre at légui bu défé kon premier jour bi lol lay def deuxième jour bi mu def la même chose lim defone bu dé nak heureu sanni jamra bi fofu mu ngi commencer fajar non manan fajar nu mu tudde zawal moy kisbar bi man nga ko def avant julli bu la nexé avant julli wala après julli boko defé ba mais fofu ba timis ngay sanni ñett yi ngay sanni non premier jour nga def lool deuxième jour nga def lool bu dé nak da nga yakamti moy boko défé moy ki bëgg téla ñibbi ci douzième jour ko bu défé deuxième douzième jour bu défé lool bala timis bu ko timis fekk fof na fa joggé dem makk wër bu dé dé ñib moy ko dé ñibbi lu mu wër kaaba gi taggu ko mu jël avion wala fasam bu dé ko ab chevalier wala koy dox mu jël libi ko amul ben problème yalla neena fala ismaalay ko dam bakka budé nak daga tok ba timis comme niñ wax timis fek la fa yow dagay xaar bu 13ème jour 13ème jour bu jexé légui moy bo défé comme après tisbar tisbar non nga sanni ki légui yow moy paré nga légui lilay déssé budé dagay ñibbi sur le champ non dagay dem kaabu yi nga tag après nga ñibbi mure nak da am yoy dox yenen man nga ko dox ba dox yoy ba pare nga doora dem tagu kaaba gi moy da ngay tawaf ni nga don def safa ak marwa do ko daw budé dawon nga ko mom ben yoy nga waw safa ak marwa ben la ah ben mom boko defé du luñuy répéter ah way boko defé ben yoon rek doyna budé ba ngay door ñew xam nga bobu kaaba gi nak mom nit mën nako def voilà kaaba gi mom diko wër sax bari wër bi mo gën bari di ki bi julli bi ah way légui moy ñom bo défé lolu légui bo wëré kaaba gi moy dernier jour moy boy ñibi budé man dama paré 13ème jour mais man le 19 la wëré ñibi t'as le temps man nga dem medina nga dem ziaré yonnabi sallallahu alayhi wasallam ziaré wa kërëm ziaré sahaba ay radhiyallahu anhum ñom ñep ak nit ñu bax ñi nekk fofu ay imam malik ay ñeneen ak ñeneen bi lan borom xam xam ni xol fofu nim démé nga gis né vraiment fi le fini fi la état islamique ñëk am jakké ji ma nekk fini par exemple fiñu denc yonnabi sallallahu alayhi wasallam nga xamné do wax sama digënté sama neeg bi moy ndekone fofu lañ ko deñ ak minbaram bi dafa bokku ben la ci jardin aljana yi motax ñafa dem ne mu ñu na bo taxawé fofu da ngay yegne fi air bu spécial mo fi joggé mais da ngay yegne fi vraiment nga tamit ngay nga ñaan fofu ñaanal tamit ñaari ki wam yi ci wéd ya bu ba ko fi akku ak sayna omar radhiyallahu anhu nga ñaanal len bo paré fofu nga dem baqiyan moy al maire ki dulin ñi fofu nga xamne fa lañ ñom ay sayyidatu fatima ñom ak sahaba yu mag yi ñom ñep ñu ngi fofu yo legi nga ñaanal leen dem fa nga ñaanal leen xol ki nga gis ni mel yoy ak boko mané tamit yenen jakkay comme masjidul qibla tay nga xamne bobu nit ñi dañ doon julli sahaba yo dañ doon julli radhiyallahu anhu am benen yaron nabi sallallahu alayhi wasallam biñu biko yalla ne legi bul djub boy djuleti bul djub lu jerusalem mais djublul ci kaaba gi nga xamne dafa ken koku dako deg ci yannu sallam dem wax ko fek am ñuy djulli benen jak mu wax len ko ñom ñu tourné motax dañ nan jakkay ñaari qibla yi mu lay tourné complètement moy yu mel non ak tamit jaar jaaru ki bu la ne nga dem uhud tamit fi xexu uhud amone fi ñu rayewon hamza radiyallahu ta'ala ak ñom abdullah ibn jubair ak ñooñu nga xamne sahaba yu mag yoy ñu rayon fofu ci xexu ñok wa yefiru quraishi yoy ñom nga ñaanal len moy yoy motax bo gine am temps yow du ngay gine ki amna nak ño xamne yoyu nonu yima wax ni ay medina ak yoy début bi lañ koy def dañuy téla ñew jaar medina ki non yeb def yoy yeb door ñew mak xamne buñ paré mak rek dañuy dem jidda wala yoy rek ñibi loluy man na ne mais nañu japp ne moy lu am solo moy medina bokul di ajgi comme niñ ko waxé won ku fa dem def li ngay def yeb ñibi jaaro fa yit yaqul sa ajde mais nak def nga lo xamne vraiment mom manon nga def lu ko gën way c'est ça fi yonentou bi voilà ak yoy yeb nga ñew wara am occasion surtout boudé yow am nga occasion bi da am na ño xamne ñom dañuy xat duñu ko man ndax ni ñëwé dañuy ñëw arafat ñom bo moy sax timis gi dañuy ñëw arafat après 10ème jour bi ñu def 2 jours yi ci téggu rek ñu dem koku boudé ay contrainte la koku mom dafa mom man nañ ko comprendre mais ki nga xamne yag na fi mais tayel tax mune mom dal fi lay yem wala non tok rek amul solo mais yoy moy budé yakul sa aj nak mais vraiment yow def nga lo xamanteni ni dal da tamit da bokku tamit ci nga xamne lañ ko sopp ci diiné ji tak la khas moy voyage dem ci ñetti jakk yoy moy makka dak kaaba bi bu yonandu sa sax ak jerusalem yow comme ko ñew nga ba fofu kay den ko def ben yoon lool legi kon 3 jours yi lool la bo defé 3ème jour bi kon moy li nga defone 11ème jour bi mom ngay defat bu ñen paré soit da ngay ñibi tout mais moy la dernière chose bi ngay def comme ñu yonandu sa sax waxon moy wul leen kaaba gi moy ngeen tagu ngeen dem tagu bobu lañ la won ñi ci dess ñepp yeneen borom xam xam yi a part maliki rahmatullah dañ ne farata la ñom dañ ne du farata mais même buñ ne ñom du farata waxuñ la nga tay ko bayiko dedet moy ne après nga wër fofu nga dem wala nexé ndoxu zamzam wala nexé nga utti yo balé ndax ya aisha radhiyallahu ta'ala da ko don def wala nexé yoyu dañ yoy man ko ko def nga yo balé ci légi kon moy kon ñun jéxal nañ affaire bi moy né légui ben affaire mo dess moy aju yunus sallallahu alayhi wasallam te daanako du fi xaj 6 minutes ji dess moy né kon aju lool la do melni nak compliqué na wala da bari da compliqué kon bi di ñew inshallah buñu jé dañuy jéxal yé dañuy décrire ad yonnate bi sallallahu alayhi wasallam mu jeex kon lool la moy xola bo defé résumé bu ndaw moy légui ñuy dugg ci détail mais li ngay jëkka def bo moy ku aji waxon nañu comme jour ñu ngi ci koor gi dernier jour koor bi guddi gogu buñ nane suba le korita bob ngay commencer nga mëna commencer yéne boudé yéné wo bobu ba nga jël sa avion ba ñëw mak bo di dem mak di aji bo ñëwé délimitation yi ñu waxon boudé europe occidentale yow bo aggé al juhfa de bërepp lo ben endroit koku da ngay lan da ngay armal bo armalé da ngay sopp nañ nga sangu set d'abord après nga changer sa yéré boudé goor la nga sol yéré armal après nga yékk mo xam auto wala avion wala même man nga baña man nga lolou nak tekki wul ne buma jëlé avion damay ñëw ba fofu wacc man na nek ci avion bi mu ñëw di traverser di dem du fa taxaw sax mais pilote yi ak ñoo ñu dañu leen wara wax ni ñu ngi ag fofu c'est ki bi neena jigen ñi par exemple yow mën nga sol sa yéré dugg ci avion bi waaw mais goor ñi ñoo sont obligés de se déshabiller carrément pour sol sen ñaari ki voilà moy ndax buñ aggé fofu mom la dañon jigen mom lu la mom lu ko neex sol sol lu jot rek bien sûr lu jot mais mom lu ko neex sol sol way mais lu jot comme niñ wax goor nak mom moy bu ñewé ba fofu moy fo mu changer moy waxuñ ne day ñew ci place bi taxaw avion bi man nako rombu mais dañ leen di yeugal ne ñu ngi wajat legui dans 10 minutes wala dans 30 minutes wala yu mel non dinañ rombu fofu dinañ axi fofu bu ko defé ñom ñu wajal ndax changer yere bop obligation la après boko defé labbayka allahumma ngeen di wax ci bir avion bi ba ni ngeen di aggé bu ngeen aggé makka wala jidda ñen ñu bari jidda lañ leen di yow car yi leen di jël yone bobu yeb da ngay def ay labbay kallahu après bo ngeen agge kaaba bi nga ñew moy da ngay wër kaaba bi commencer pierre noire boko mané nuyu nga fon ko boko manul nga romb bo ñewé ba ruknul yamani benen côté bi bom ñu koy nuyu dang ci doon tek sa loxo nga fon ko budé mano jallal sa yoon mom du dang koy fon comme pierre noire mais sa loxo nga ci te nga fon sa loxo bu man da nek nga wër set waaw bu la nexé fofu bo wëré set yi après da ngay julli deux rakka yoy moy station ibrahim alayhi salatu wassalam après bu la nexé nga daw safa ak marwa nga dox safa ak marwa bi nga def ta boko defé fofu jaratu nga koy def jouru aj gu maggi wala yenen yi ngay wër jaru légui nga dox safa ak marwa bo ci paré moy ginnaw bala nga dox safa ak marwa budé am nga zamzam bi nga julli ñaari rakka bi nga tawafé paré nga nan zamzam après nga dem wala non nga nuyu ki nuyu tudu pierre noir tamit boudé man ngok la da ngay dem di dox safa ak marwa bou la né nga nan zamzam après nga dem safa ak marwa bo fa jogé légui boudé 8e jour bi la moy da ngay dem mina ngay dem mina comme niñ waxone après bo fa jogé ci 9e jour bi da ngay dem fele arafat arafat liñuy def moy tisbarak takusan dañ koy téle julli euro tisbar boko julle ba paré après da ngay fofu lañuy taxaw moy ci four wo arafat après ñuy ñaan jak bu la nexé nga jakarlo penku ñuy démé je crois que dinañ dem bien avant à ji voilà yoy dina la may octobre lañ wax 3 ou 4 quand la ça exactement 3 4 octobre le 3 ñom lañuy dem waaw grande mosquée légui ki aji exactement ban jour par exemple jour tabaski ñaat la vers le 15 waaw lool bot ko par exemple ndax nak ñu bari ñu compagnie yu bari dañ koy ciel def exprès ngir mëna dem Medina avant comme ça def yoy yep am da ngay am largement le temps c'est de Marseille à Jeddah ah Marseille Jeddah ah ouais Marseille Jeddah voilà lool baxna 3 ou 4 octobre 3 4 lool mom da ngay am temps mom lool mom da ngay am temps légui bo defé loolu arafat bo fa jogé arafat moy bu timis gi musdalifa nga jëm musdalifa geew ak timis da ngi len di bolé heureu ge bo fa jogé julli fajar bu fajar joté ngeen julli ngeen dem montagne bo masharul haram moy yiñ wax sank ñaan bi nga ñaan fofu bu commencé lèr ngeen dem mina ngeen sanni jambra yi ñet no set ben set bu mag bi nak après kuy rendi nga rendi wañi sa kaw ma nga watu budé gor bu ye jigen mu wañi bu paré ci lolu moy wër kaaba gi 10e jour bi waxna la boko défé yiñ la doon téré yeb jeexna sey bañ la doon téré man nga ko def motax parfum parfum bo xane sanni jam ray sax man nga ko def xam nga dañ na boy armal dañ la koy téré bo armalé bo xasse armal mom téré nañ la mais nak légui bo sanné jam ray jeex da jam ray fof boy sanni jam ray la ngay sanni fa ngay yémalé sa labbayk allahumma labbayk fof la yém après nga dem wër kaaba gi kon moy bu ponk bi 7 fois safa marwa daw moko bi nga don ñew bi nga doré ak ci jaru do dawat do doxar safa marwa nga julli bi nga woyé paré julli ñaari rak fof station abraham ibrahim alayhi salatu wassalam après nga dem fan mina 2 jours nga fay passer wala 3 jours jour bu nek 21 xéer ngay sami commencer bu ndaw bi bi ci digg bi ak bu mag fu nek set bo paré ak ay ñaan yang fay def bo paré koude 10e 12e jour nga bëgg dem nga jël bu do fa timis fek nga joge fa dem ci kawa gi wor ko après nga dem sa yoon ñibi nga jël sa yoon ñibi bu dé 13e jour nga def lool yoy bala timis jot nga joge fa bo sané beccëg gi non rek après ay tisbar yo bo jullé man nga dem sa yoon dem wor kawa gi def ko par exemple yi nga wara jang quoi bo dem wa ñaan yi nga wara réciter parce que voilà légui j'ai assez de temps de l'apprendre quoi tu vois voilà légui bi di ñew ko inshallah dañuy défalé yo amna yuñ ci waxon sax wa wa labbe ka bi bindal mom voilà amna yuñ ci waxon ay khul ya ayyuhal ta la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir voilà ak rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bo mo don entre boy wor kaba gi ak yenen ñaan yo man mais yenen yi legui nañ ki pour bi di ñew surtout ñaan yi pour ma jang ko par que voilà wa wa wa wa wa lool na ci ba legui kon yoy pour bi di ñew la inshallah bu ko defé avant ñuy dem la grande mosquée il y a une formation de 6 à partir du 6 septembre là le vendredi et le dimanche ah ouais buñ julé juma ba paré dañuy formé là ah ouais si wa wa lool la bu ko defé ni xam pendant un mois quoi 4 semaines yo xamné way voilà yu mel le vendredi et le dimanche voilà lool la ouais c'est ça légui lool la moy amna sax ay livre yu ñuy def mais livre yi ñi def pour puis dama le bëggon la yo ci coran est ce amna bo xamne bu ndaw bo xamne dina man dina ko mën lire dina leer comme sa boss bi c'est trop petit wa c'est trop petit amna yene amna ñu dina leer bo xamne quoi wa wa legi legi après dinañ xol wa nga xolal ma bu ko defé na xol yow yam moy lay yam moy bax wa wa wa mu mëna lire dina la won yenen bu dé moy bax na mu tollu mu la inshallah c'est ça moy ne lool la sauf que téré yi ñaan téré ñaanu pour aj ben affaire rek nga moy le nit ñi wara faire attention moy buñ japp ne ñaan yi nek fi rek c'est obligé ma ñaan ko moy du lool moy ne ñaan go xamne gis na yaronni sallallahu alayhi wasallam def ko lool amul sik ne mo gën waaw mo gën mo gën ci fofu ndax yalla li gën la koy tanal du gis li mom la koy def waaw legi nak budé yow mais loolu tekki wul ne ñaan gogu rek lañ fa wara def mo kay xamna fa et xam nga bo amé tang li ñu wax la no gën di ñaané ti wa donc waaw moy ne et puis le coran aussi nga diko lire diko lire ci ba nga lolu c'est important way mo ngi nonu moy ne yu mel nonu ñaan yoyu tamit am nañ solo moy xamna kon bi di ñew avant ñuy jéxal décrétion ki wu adiyo na di sallam après kon ñu def yoyu am nañ ci jottono def moy beurep yi nga xamne ñaan yi ñoo la fa yenen sallam def yi nga xamne nak amul wala gisunu ko moy ne ñaan go ñaan bax na rawati na ñaan yi nekk ci alquran ay rabbana atina fid dunya hasana wala ay rabbana fir lana wala bindi legi sa astaghfirullah la ilaha illa huwa khayrul khayr wa atubu ila astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilay wa yo yeb bax na ak bima la bi allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani bi bi ni tamit bax na way way Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika ma sata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mom la yonentou sallam wax ne moy sangu sayyidul istighfar moy sangu fas ñaan djegal yalla ñaan bi nga xamne mo ci seen sang moy bi moy ne yi ni jarna xam diko bari waaw amul luñu nan la def ci kat doyna dedet waaw ci mun def yalla da bëgg koy ñaan di insister waaw mom jam buy ñaan moko gënal jaan bo xamne du ñaan way way c'est ça am jaan bu dul ñaan day japp ne on da doy lo bokkon alors que yalla mom da leena bind ngir limu yor yeen rek la ko bëgg voilà c'est ça way toujours yo yeb baxna ay rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama yo ñaan yo yeb tamit baxna mom dal legi kon après bi di ñew inshallah nañ fexé gis yoy Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'fu anni li moy ñaanu ñaan la go meuna def pourtant ak ta partout et tout temps laylatul khadr c'est recommandé voilà voilà par exemple le 27 ren inshallah waaw ni bi ni mom la yaay aisha radhiyallahu ta'ala la joni andu sa sam ne ko buma yalla deppele laylatul khadr lan la wax mu ne ko waxal li voilà legi mu allahumma yawsunu borom innaka deug deug yow da afuun ku bari ngeegal ya yow pa moy ko xamne sunu borom innaka yow yow voilà afuun moy kuy al afu moy kuy djegalé ko xamne day djegalé par djegalé day melni yegul ne yow def nga mbir mi yalla yow mi djegalé xam nga nit man na la djegal ba paré mais di la ko xolé mais day melni après voilà mom day melni ma lol masuko masuko way c'est ça tuhibbu da nga sopp al afu tuhibbu djegalé da nga sopp ko wax di djegalé li ngay djegalé da bari te dang ko bëgg fafoan ni djegal ma te djelalel ma te djelalel wala moy djegal ak djelalel la bolé al afu moy luma la xolé wat beutu bal na la quand même mais quand même li nga def graw wa wa wa mais day melni table rase lay def après wa lolo bax da way bi la na ko na baril ko laylatul khadr bu la depo ak yow wa lolo kon bi di ñew kon moy dernier bi bu ko defé après ñu duggat ci suñu alcorane bi ko dina fu ñëwati won sax waté na sar ba sax wa yeruma li suratul mudaththir wéso won nañ ko de toute façon après buñu xolé dina ñëwaat wa c'est vrai que xawna ndax li moy 12e cours tay bi di ñëw mu wara jeex moy 13e cours inshallah c'est vrai que teboluñu ah moy amna ñu tebolone mais ndax dañ doon al ki alternative mais ni mo gën ndax comme ça ci yel nañ ko paré ouais ouais après yow li ci lérul man boko laaja benen après fichier dina la ko jox inshallah bu ko défé nga koy déglu wat na koy déglu et puis comme ya la télé voilà télé bi ñom ren mom ren ren ren ren ñu sorti ñom ay du sa al inshallah ñom danaka c'est bien ñu tél ku jog ni bu ko défé nit ñi xam xam affaire bi Moi, il y a salle, il y a aussi deux S là. Comment il s'appelle là? Ibrahim Gay. Oui. Abdurrahman Gay. Tafsir Abdurrahman. Akmamin Aïda. Wa ñom mais ñom bokkuñ ci aji. Abdoulaye Gay, c'est Abdoulaye Gay. Ah, lool ban heure na? Abdoulaye Gay, là c'est tous les jours. Avant Korg, c'était 6h30 là-bas au Sénégal, c'est-à-dire 8h30 ici. Légui Korg ni ban. Légui maintenant, c'est à partir de 8h30 ici. Man ki wax ki guddigi la fowone may wax tafsir. Mais dañ koy répéter à 14h là. Ah non, 14h. Fa 2S. 2S fois est-ce qu'il y a Non, ko xawmuko. Man tafsir abdou a 14 ans xeyna sax mi ngi ci la tafsir bi la nadal ma japp 2 ans ah day tafsir mom wa day tafsir way ah non koku ki moko kon xamna abdoulaye gay way abdoulaye gay li tud noko xaw la c'était fait legui kon xamna kon ñu yemane do bo bi ni 75 war na ci ne ko la jeexna mi ngi ni gis na mi ah wa mo xamo ni ci ba 14 lay commencer non gis na ko me xamo na la ah xamlo abdoulaye gay kon xamna ñu yemane do bo bi ni ñew والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين